Alastair Sin, du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcuset 95 FM. Eh ben, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir Sylval, bonsoir le slasher. Bonsoir. En forme? Bah oui, ça va, et toi? Bah oui, très bien. Bientôt holiday pour toi, hein? Bientôt quoi? Holiday. Oui, oui, oui, les vacances, le slasher, bon, on s'en fout, il est toujours en vacances. Bah, en forme? Oui, ça va. Ça va? Oui, très très bien. Voilà, donc aujourd'hui, on a un bon programme assez chargé, des nouveautés. Toi, tu es venu avec une exclusivité. Une exclusivité. Une bonne. Around the world. On va dire ça comme ça. Around the world. Et aussi, on aura une interview phoneur de. D'un groupe. De Smash It Combo. Grâce à tonton Roger. Voilà, merci. Voilà. Et vous avez remarqué, on a fait des améliorations. Maintenant, si vous voulez, on peut même péter en studio, vous ne m'entendrez plus. Et je rigole, mais c'est vrai. Voilà, on a fait vraiment. Tout ça pour votre confort. Et même maintenant, vous pourrez entendre vous pourrez entendre carrément maintenant les phoneurs et entendre vraiment les groupes en direct. Voilà. Ça va être génial. Hein. C'est une amélioration totale. Ouais, voilà. Donc, on va avoir beaucoup de nouveautés. Et on va commencer très très fort aujourd'hui. Avec Diablo Boulevard, c'était un groupe, si vous vous souvenez, il n'y a que moi qui m'en souviens pour le moment, c'était le premier Alcatraz où ils ont joué, et ils étaient là, et voilà, donc je les ai rencontrés. Franchement un bon groupe, là l'album va arriver, l'album s'appelle Sing From The Gallows. Il faut savoir que c'est un groupe belge, et on va s'écouter Anymore, et après on se retrouve bien entendu, et vers un tour de 20h30, les Smash Hit Combo en interview. Je ne sais pas vers quelle heure compteras-tu passer ta petite news. Bah juste après l'interview. Ouais, après le titre du groupe, on passera. Ah. Ouais. Un peu avant la balade, ce sera sûr. Ouais, voilà. Voilà. Mais bon, ce sera un bon. En première partie, voilà. Allez, Diablo Boulevard, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur RQC dans l'ancien FM. Et oui. Ben voilà, donc c'est une petite surprise quand même, et c'est une exclusivité aussi, hein, le nouveau Diablo Boulevard. J'allais dire Diablo Mante, Diablo Grenadine, ouais, quoi que, on en a. Voilà. Voilà. Mais c'est une petite nouveauté, voilà, et je remercie Sony Music de nous avoir envoyé une partie de la maquette, car on n'a pas encore tout. Alors, le prochain, là, c'est vraiment notre cam, au slasher et à moi, peut-être moins à toi, quoique. Ça touche un peu du Ozzy, tu vas voir. Enfin, l'esprit Black Sabbath. C'est un nouveau groupe qui s'appelle Bloody Hammer. Et ils ont pris des chansons. Enfin, l'album s'appelle, tu vas voir, ça touche directement, The Horrific Case of Bloody. Et ils ont pris des standards de films d'horreur. Et ils en ont fait un peu des musiques du hard rock. Donc, ils ont repris ce genre-là. Et là, on va s'écouter Blood. Et tu vas voir, on entend un peu un esprit un peu sabbatien. Sabbatien. Voilà, bon, on va pas faire le sacrifice de l'enfant ici. Et pourquoi là tu me dis que j'aimerais pas? Je sais pas, ça fait assez vieillot quand même, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, c'est parce que je te pose la question, parce que c'est vrai qu'on en a jamais parlé. Il y a des gens qui aiment bien, tu vois, la période Black Sabbath, Dio par exemple, tu vois. Il y en a d'autres qui aiment bien la période Black Sabbath, Ozzy, d'autres qui aiment bien Black Sabbath où ils ont changé plusieurs fois de chanteur, tu vois. D'accord. C'est pour ça que. Faut voir quoi. Bon, moi j'aime bien toutes les périodes Black Sabbath, toutes périodes confondues. Hein. Voilà, maintenant on verra bien quoi. Voilà, je remercie aussi tous les gens aussi qui nous contactent déjà maintenant. Ça nous fait super plaisir. Et on va vous faire un petit coucou tout à l'heure, les amis. Et je remercie aussi les gens qui nous ont un peu fait râler hein, pour le concert des Guns au Stade de France. On n'y était pas. Ça avait l'air génial. Hein. 3h30 de concert. Oui. Ah, et puis moi j'ai eu un direct par un de mes amis qui a été. Et franchement, ça a l'air super. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui disent Slash était là pour beaucoup. Bon, maintenant, voilà. Guns sans la voix d'Axel, parce qu'il a une voix assez spéciale aussi, il faut le reconnaître. Je crois que Guns, voilà, maintenant, ils sont tous refaits. Enfin, ils sont pas tous là. Mais je crois que Guns, il n'y a pas que Slash qui fait tourner Guns. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. Bah, je ne pense pas non plus, moi. Voilà, mais bon. Moi, j'ai vu dans les commentaires de mes amis, c'était vachement content d'Axel. Hein. Ouais. 3h30 de concert, comme les gens ont dit, c'était peut-être un peu chéro. Tu bouges quand même bien sur scène. Hein. Mmh. Ah ouais. J'ai vu le direct, écoute. Peut-être l'année prochaine Noël. Peut-être. Qui sait Ils étaient déjà venus en 2013, donc oui, pourquoi pas. Ouais, à l'époque de la formation, où c'était plutôt Axl Rose tout seul, quoi. Où il n'y avait pas Slash à cette époque-là. Maintenant, comme on dit, on verra bien, hein, qui vivra verra. Mais comme les gens ont dit, c'était peut-être un peu cher, mais 3h30 de spectacle, ça valait la peine. Oui, CDC ne va pas te faire 3h30. Ils peuvent plus. Bah, oui. Angus, tu te ramasses à la petite cuillère, même si j'adore ACDC. Ils sont vieillis. Hein. 3h30, c'est énorme. En plus, t'as vu la cagnard qu'il y avait ce jour-là ? Tout à fait. Ce jour-là, c'était la folie. Allez, Bloody Hammer, vous me direz ce que vous en pensez. L'album s'appelle The Horrific Case of Bloody. Et le titre, c'est Blood, tout simplement, les amis. Voilà, vous allez me tuer, les amis, mais je me suis trompé de titre. C'est ce qu'on est en train de dire, là, ça est vachement vieux. J'ai aussi trompé de titre, mais que voulez-vous. C'est vachement vieillot. Ça fait vieillot. Non, mais il y en a des titres vieillots. Mais bon, voilà, c'était de Bloody Hammer. Et oui, c'est vraiment. Tout à fait d'accord qu'il y a des titres vieillots, mais pas celui-là, quoi. Non, c'est pas celui-là, mais que voulez-vous. J'ai préparé ça hier, très tard. Et en plus, j'avais un crapaud à côté de moi qui faisait du bruit aussi. Donc c'était assez. C'était pas une mouette. Ça dépend, il y a la mouette ou le crapaud. Voilà. Mais... Excusez-moi, je vais y passer moi aujourd'hui. Voilà, donc pendant les vacances, on aura des spéciales, des nouveautés, oui. Comme d'habitude, mais un peu moindre. Mais on aura aussi des spéciales festivals. Tout à fait. Oui. Il y a le Curren Fest, l'Alcatraz et le REM. Le REM. Donc voilà, c'est nos festivals dont on aime bien en parler, on aime bien y aller surtout, car c'est vraiment des festivals tout près de chez nous et super bon enfant. Bon, en plus, je sais très bien que tu as envie surtout d'aller au Curren, car il y a Alice Cooper. Là. Et Alice, oui. En plus, ça tombe bien parce que l'album sera sorti d'une semaine. Et donc automatiquement, à mon avis, on doit s'attendre à avoir quelques titres. Il y a beaucoup de sorties là d'albums. Hein. Ouais. Mais bon, à mon avis, c'est ce qui t'attend le plus, c'est Alice Cooper quand même. Alice. Et aussi, il y aura aussi, normalement, moi j'attends Megadeth. Et après, bon, on verra bien. Il y a plein de sorties à la rentrée. Il y a Chivai qui sort un album. Oui. Donc tourné certainement. On espère. Et il y a Poodles. Oui, les caniches. Nos caniches sont de retour, oui. Nos petits caniches. Voilà. Il y a une tournée aussi de Skid Row, mais en Angleterre. Non, à mon avis, ils feront peut-être une... J'ai l'impression qu'on ne va pas venir qu'en Angleterre. Oui. Oh bah oui, ou alors ça sent le Hellfest aussi, peut-être. Ouais. Oh, pourquoi pas. Mm-hmm. Moi, je sens... J'ai dédié à cette année, l'année prochaine, le Hellfest, on va avoir mal aux fesses. Alors là, on va s'écouter Graham Bonnet, et après, on s'écoutera un de tes titres. Graham Bonnet, ben, en réalité, c'est un vieux de la vieille. Hein. Là, il a reformé un groupe qui s'appelle Graham Bonnet Band. Pas de bonnet de bain, hein, mais Graham... Bonnet Band, et l'album s'appelle Live Here Come the Night. Et qui est Graham Bonnet au départ, si tu te souviens, Sylvel, slasher un peu moins parce qu'il était toujours tout petit, mais vraiment très petit, plus petit qu'une tête d'aiguille, tête d'épingle. Il avait formé Alcatraz, oui, Alcatraz, le premier groupe à Steve Vai et Malmsteen. Et là, il revient avec un album live, donc dur de prendre un titre, car tout ce qu'il a fait vraiment est superbe. Il a une tessiture aussi au sein de la voix vraiment très spéciale. Moi, j'ai voulu rejouer un titre que j'adore. Au départ, c'est pas Vai qui a joué sur ce titre, c'est Malmsteen. Mais pendant la tournée d'Alcatraz, Malmsteen, il pète encore une durite comme d'habitude. Hein, alors ouais, merci, spécial, hein. Au revoir. Et il a été remplacé par Steve Vai. Mais là, sur cet album, c'est pas ni l'un ni l'autre. Hein, c'est carrément un nouveau gratteux et tout ça. Et on va s'écouter Island in the Sun, un titre que j'affectionne particulièrement de Graham Bonnet. Et on va s'écouter ce titre. On remercie aussi tous nos amis qui se connectent. Et coucou, on vous fait coucou. Moi, je vous fais coucou à l'envers, comme ça. Hein. Ciao, ciao, les amis. Et c'est parti avec The Islands in the Sun. OK, we're going to do a song now that will be recorded with Alcatraz, the first album. This is called Island in the Sun. All right, thank you. Merci, merci mon ami. Voilà, c'est Graham. Voilà. Il n'y a pas de quoi, merci. Voilà, Graham Bonnet Band, non, Graham Bonnet Band avec Island in the Sun. De, voilà, c'est un nouveau live qui va sortir. Hein, et franchement, je vous le conseille si vous, vous aimez un peu tout ce qui est métal des années, enfin, années 80, hein, on peut dire ça comme ça, parce que c'est vraiment cette période-là. Hein, et, mais vraiment, c'est du bon son. Alors, Sylval, tu viens avec le premier titre et c'est quoi? C'est un groupe italien. Parla italiano, si, les spaghetti, si. Les buitoni, les non, je peux pas dire de marque, je peux pas dire de marque. Oh, excuse-moi Rico. Non, il y a du très bon métal aussi en Italie. Ouais, tout à fait. Mm. Ouais. Alors c'est Eva Kent avec Apostasia della Rovina. Voilà, et en plus de ça, c'est bien parce que tu nous fais voyager. Et regarde, oui. Par exemple, le Slash Rema, on ne part pas, mais là, aujourd'hui, maintenant, à 20h21, on va partir en Italie. Ouais, tu vas partir beaucoup en Italie ce soir. Ouais, ouais. Ah, ben voilà. Il faut savoir aussi que nos amis qu'on a reçus deux fois ici, les Max Pie, ils ont fait aussi une galette en Italie. Ils ont enregistré une galette en Italie. Voilà. Mais il y a quand même du bon métal là-bas. Là. Allez, vas-y, je te laisse annoncer ton titre. Alors, c'est Eva Kent avec Apostasia della Rovina. C'est parti. Già contati da un pallottoliere di teschi allineati. cervelli ormai schiazzati in una morsa letale, svuotati, votati al vuoto esistenziale. La preghiera è divenuta inutile, banale, perché questo sacrificio non richiede rituale. E se il nostro passato non conta più niente, è solo perché nullo è il valore della gente. Siamo noi che fughiamo le ombre della sera, siamo noi i responsabili della fine di quest'era. Le lacrime non servono, le speranze sono inutili, già che le briciole sul sentiero sono solo i ricordi più futili. Anche il cuore avvelenato dal desiderio frivolo lo sa che siamo tutti colpevoli al patibolo. Non abbiamo più diritti, non c'è più di valore, e la pira brucerà con decrepito splendore. Voilà, donc pas mal ce choix quand même. Oui, pas mal. Les petits Italiens, ça joue bien. Ouais, tout à fait. Alors c'était Eva Kent avec le titre Apostasia della Rovina. Waouh. Voilà. Et maintenant il y a le slasher aussi qui nous vient avec sa slasher song. Et, oui. Et toi tu nous as choisi quoi slasher? Un des groupes pour moi que pour la 2016 de Rive d'Enfer des top albums, c'était mon premier album. Pour ceux qui ont suivi doivent le savoir, c'est Meshuga. Un de mes groupes préférés dans ce style-là, c'est d'ailleurs les pionniers de ce style. Donc c'est un groupe de Suède, de metal, si je puis dire, metal progressif, du djent. Voilà, c'est du djent que je kiffe. C'était les pionniers du djent. Hein. Ils ont été formés en 1987. Et ben dans les membres, vous avez Jens Kidman, vous avez Fredrik Tordal, Thomas Eike, Martin Engstorm. Et Dick Lofgren, et pour moi, ben, Meshuga, c'est vraiment le groupe pionnier, quoi. Et pour moi, c'est un groupe que j'aimerais bien jouer à la guitare, même si c'est très très très compliqué. Mais franchement, rien à dire sur ce groupe. Rien à ce que Meshuga, en fait, leur y a plusieurs styles de djent, mais ceux auxquels ils se reconnaissent, c'est surtout les longs passages lourds de Meshuga qui font. Je sais pas si tu vois Scream. Ouais, je vois Scream, je vois Slasher. Et donc, Meshuga, là, on va s'écouter la chanson Future Bread Machine de leur album Destroy Erase. Et franchement, l'un de leurs meilleurs albums pour moi. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. We'll be right back. Donc c'était Meshuggah avec Future Bread Machine. Voilà, bah toujours un bon petit choix. Ouais, comme d'hab. Toujours un peu énervé ce choix, mais ça fait rien. Ça change un peu, tu crois pas qu'il est assez énervé? Allez, on va s'écouter encore une petite nouveauté. Moi j'adore l'artwork, il est mis sur la page Rive d'Enfer. C'est Infestus avec My Moonfall Charlotte. Et l'album s'appelle Dress or Darkness. Et là, vous écoutez le single car l'album n'est pas encore arrivé. Et c'est encore une petite exclusivité sur Rive d'Enfer. Aujourd'hui, ils sont gâtés avec des exclusivités. Ouais. C'est pas mal du tout quand même, hein. Infinitus avec My Moonfall Charlotte, extrait de l'album Dress of Darkness. L'album va arriver incessamment sous peu. Alors voilà, hein, chose première, chose due, hein, on a Baptiste qu'on va retrouver en ligne, donc des Smash Hits Combo. Donc, allô, bonsoir Baptiste. Bonsoir Bonsoir, ça va, tu vas bien? Écoute, très très bien. Désolé, ça commence à être un peu difficile derrière moi, je suis dans les rues parisiennes, là, il y a un petit peu de monde. Ouais. Ça va le faire. Ah bah ça va, tu nous fais participer un peu à la vie parisienne. Eh ben voilà, en plus c'est la période où tout le monde va en terrasse boire un petit apéro, donc c'est vraiment sympa là. Ouais, l'apéro à 8h30, ça va quoi. Oui, ça va, bah à la parisienne. Hein. Ouais, voilà. Donc voilà, ben les Smash Hit Combo. Donc déjà, ma première question est toute simple, hein. Vous venez de quelle région de France? Alors nous on est d'Alsace. On habitait un petit village près de Mulhouse qui s'appelle Fernet. Et c'est un peu là où tout a commencé. Maintenant, on est un peu plus dispersé, mais toujours en Alsace. Moi, je suis de Strasbourg, quelques-uns de Colmar, et voilà, dans ces coins-là, quoi. Mmh. Donc, il fait toujours très très chaud en Alsace, donc il n'y a pas de souci. Donc, Ces dernières semaines, il a fait très très chaud. Ouais. Voilà, bah, on va pas se plaindre. Ah non, pas du tout. Voilà, donc je suppose que donc je le sais de par tonton Roger, hein, que nous travaillons avec, hein, bien entendu, c'est une personne qui travaille très très bien. Vous êtes là pour la promo, vous êtes venu sur Paris, vous êtes monté sur Paris, donc pour l'album L33T, je sais pas où vous préférez, peut-être L33T, je sais pas. Bah écoute, il y a plein de façons de le dire différentes, hein. Comme tu l'as dit, il y a Lit, il y a 1337, c'est comme tu veux, c'est du Lit Speak, donc ça se dit un peu comme chacun a envie de le dire, et voilà. Voilà. Ma première question, vous n'êtes pas tout jeune dans le milieu musical, hein. Vous êtes depuis 2004 si mes souvenirs sont bons. Alors oui. Parce que bon, si tu veux, je travaille toujours un peu sans filet, hein. C'est un peu mon défaut, et donc c'est un peu tout de mémoire. Vous avez quand même 2 EP, 5 albums, ouais. C'est ça. et donc là, vous venez de sortir un nouveau bébé, vous venez d'accoucher d'un double album. Exactement, on a fait des jumeaux, c'est possible. Oui, et justement, ouais. Comment s'est passé cet enregistrement de cet album? Bah écoute, très très bien, on a tout enregistré nous-mêmes à la maison, donc on a pu faire les choses à notre rythme, tranquillement. C'est un album qui a quand même mis presque un an à composer, à enregistrer, à produire. C'est énormément de travail, notamment de faire un double album, c'est un double album avec un CD en français et l'autre CD qui est en anglais, mais qui n'est pas la pâle copie du CD français par exemple. C'est vraiment des compositions différentes. Les instruments restent les mêmes, mais par contre, les textes et les mélodies du chant et des lyrics sont différentes, en fait. On n'a pas voulu faire, comme dit, un simple copier-coller. On a vraiment travaillé deux albums en part. D'accord. Et justement, au sein donc des Smash, comment se passe la composition? Est-ce que c'est chacun de son côté ou vous bossez en salle de répète et puis vous accouchez d'un titre et puis vous le travaillez? Bah écoute, en fait on a à chaque fois, sur chaque album, on a des façons différentes de faire. Pour celui-ci, on a plus travaillé de notre côté, en fait un peu avec les nouvelles technologies, avec les logiciels d'enregistrement, de programmation de batterie. On faisait des petites ébauches en fait, chacun dans son coin, et après on se voyait au local de répétition, on mettait tout ça en commun. On travaillait de cette façon-là, on essayait d'abord de créer une structure d'une chanson avec un thème instrumental qui nous paraît beau et correct. Et quand je parle de Chon, mon autre guitariste, quand on arrivait un petit peu à bout de notre inspiration sur cette musique, ben on lui disait, bah écoute, voilà, moi j'ai fait ça, est-ce que t'as une idée sur autre chose? Et puis lui, il faisait une autre guitare par-dessus et ainsi de suite, quoi. Et on évolue comme ça. Et une fois qu'on a un peu un squelette, une ébauche d'une chanson, couplet, refrain, on travaille sur un petit peu de transition, pour que les riffs entre eux puissent bien s'enchaîner, et on essaye de faire et après on crée vraiment la structure avec le chant. Bon, les chanteurs ont besoin de plus de temps, par exemple sur un couplet, s'ils veulent des 8 mesures, 16 mesures, et voilà, on travaille comme ça en fait. Mm-hmm. Totalement, en tout cas. Oui, et justement, vous êtes quand même 6 dans le groupe, hein? Oui, tout à fait. Et je vais d'abord te laisser présenter les membres du groupe, parce que bon, on sait que tu es Baptiste, hein, ouais, tu joues de la clarinette dans le groupe, c'est, si mes souvenirs sont bons, c'est ça? Et du triangle accessoirement, comme la clarinette en fait. Mais ouais, bah, écoute, dans le groupe, il y a Brice Saint-Cair, qui est notre batteur et qui réalise le vidéoclip. Il y a Anthony Chauniard, qui est notre guitariste, qui lui s'occupe de tout ce qui est son, enregistrement. Mathieu Villers qui est à la basse, Paul-Henri Vizquez au chant, Maxime Keller au chant. D'accord. Et justement, 6 dans un groupe, c'est pas trop dur des fois de se dire de choisir la compo idéale, la chanson. Déjà des fois avec des trios, c'est pas évident. Bien sûr, oui. Non, en fait, c'est, tu vois, d'un côté, ça fait des années qu'on se connaît, donc on sait un peu plus comment on fonctionne. On a appris vraiment à travailler ensemble, et plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est plus facile, en fait. Des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que chacun a envie que son idée fonctionne. C'est pour ça que justement, Sean, mon guitariste, c'est lui qui a produit cet album et qui fait un peu le garde-fou, si tu veux. Il dit un peu, attendez les gars, là on est allé un peu trop loin, là c'est un peu trop, ou là c'est un peu assez, là c'est pas assez justement. Et voilà, et donc on apporte tous un peu des idées et il faut quand même des réflexions. Mais on essaie toujours de dessiner les choses en fait et de faire des compromis. On essaye vraiment beaucoup. Cet album, on a enregistré beaucoup de riffs qu'on a aussi souvent dégagé parce que finalement, quand tu le réécoutes le lendemain, tu dis ouais, bon, finalement, c'est pas si bien et ainsi de suite, quoi. Et musicalement, vous pouvez vous classer dans quelle catégorie musicale? Écoute, c'est assez compliqué. Ouais. C'est assez compliqué parce que déjà, même si toi tu vas être classé dans une catégorie, c'est plus les gens ton audience en fait qui va te classer dans une catégorie. Nous, ce qu'on fait, c'est un crossover de rap et de métal. C'est vraiment c'est un mélange de ces deux styles qu'on affectionne particulièrement. Et justement, on a quelqu'un là aujourd'hui qui nous a dit, et un terme qui nous correspond bien, je trouve, ce serait du néo-métal 2.0. C'est une définition qu'il a donnée lors d'une interview et on trouvait ça vraiment cohérent et on se dit, ah ouais, tiens, néo-métal 2.0, c'est un petit peu ça, ouais. Vous êtes quand même des fous furieux sur scène aussi, hein. Vous bougez très très bien. Vous avez joué au Download? Ouais. Ouais, on a fait le Download il y a quelques semaines, ouais. Et quel a été votre ressenti? Parce que bon, c'est quand même pas une petite stage, hein, c'est... Ah non, c'est impressionnant pour nous. Ouais, et... C'est d'autant plus impressionnant que, en fait, c'est la deuxième date où on jouait les nouveaux morceaux. Donc déjà, on avait cette pression, en fait, de jouer ces morceaux, de bien les jouer, de justement, une deuxième pression supplémentaire, parce que les gens ne connaissent pas forcément ces chansons, et en tant que musicien, t'as toujours un peu des appréhensions par rapport à l'accueil que les gens vont faire de ces nouveaux morceaux. Et finalement, ça s'est passé, c'est vraiment très, très, très, très bien passé. Sur le papier, on avait un peu peur, parce qu'on se disait, bon, je sois à Firefly Stage, c'est à petite scène du camping, à midi, bon. Ok, on est déjà très heureux de jouer au Download, et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui sont venus, déjà pas mal de gens qui nous connaissaient et d'autres qui ne nous connaissaient pas, et c'était même pas simplement des curieux, c'est juste des gens qui venaient et qui restaient en fait, qui regardaient tout ça. J'ai vraiment vu très peu de personnes s'en aller par exemple, et ça fait un bien fou quoi, et ça nous a mis un boost énorme quoi. Du coup, quand on voit les gens qui sont réceptifs à tes nouvelles chansons, qui sentent tes refrains, voilà quoi, c'est magnifique. Alors, cet album est sorti il y a quelques semaines, on avait le sourire aux lèvres pendant une heure quoi. C'est vraiment un très très beau souvenir. Ah bah oui, voilà. En plus, en plus, ça a un très très bon, très très bonne chose à mettre sur son CV aussi en tant que groupe. Hein. Voilà quoi. C'est un peu un festival aussi, festival mythique. C'est parti de ces coches où on reste de jouer et puis on a pu le faire sur celui-là. On espère que 2018, pour nous, il y en aura plus. On travaille vraiment dessus. Et voilà, on espère faire des Hellfest, des Eurocaen, des choses comme ça. Oui. Justement, là, j'ai notre le slasher hein, qui fait partie de l'équipe, hein, qui a une petite question à vous poser. Oui, voilà, petite question. Dans vos compositions, vous inspirez beaucoup des jeux vidéo et pourquoi? C'est votre enfance? Pourquoi? Oui, tout à fait. Ah. En fait, c'est complètement ça. C'est, comme dit, nous, on vient d'un petit village, je vais pas dire perdu en Alsace, mais il y a même pas de 10 habitants. Et en fait, quand on était gamin, je me souviens que j'allais chez Brice, mon batteur, jouer à la Super Nintendo parce que moi j'avais la Mega Drive par exemple. Ah. Lui, il venait chez moi pour jouer à la Mega Drive, moi j'avais essayé pour jouer à Super Nintendo et On a toujours été des grands fans de jeux vidéo, de tout ce qui est culture japonaise, des mangas. Enfin, on fait partie de la génération, comme on dit, Club Dorothée. C'est la génération des Nicky Larson, des Ken le Survivant, et ça a bercé notre enfance, et on a jamais vraiment lâché ce genre de choses, quoi. Ça a toujours été notre truc, même encore maintenant, on joue moins aux jeux vidéo, bien sûr. C'est juste une histoire de temps, mais la passion reste toujours intacte, et voilà, c'est vraiment partie de notre vie, et c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie, et on s'est pas dit, allez, on va faire des jeux vidéo parce que c'est à la mode. Non, c'est parce que c'est vraiment un truc que nous, on adore, et on s'est dit, bah voilà, pourquoi pas utiliser des métaphores de jeux vidéo pour parfois mettre le point sur certains de nos problèmes, sur certaines de nos angoisses, sur un petit peu, il y a un petit côté syndrome de Peter Pan quelque part chez nous tous, et en fait, on se sert de ça un peu, on va dire une psychanalyse, mais ça nous aide aussi un petit peu à sortir tout ça, quoi. Donc c'est un double album, un album en français, un album en anglais. Pourquoi ce choix au juste? C'est peut-être pour essayer de cibler aussi un peu un marché anglo-saxon, un marché américain, ou pas du tout? Bah, c'est... Écoute, même pas, en fait. C'est vraiment pas venu d'une idée de faire du business, marketing ou quoi que ce soit. C'était quelque chose, en fait, ça nous trottait dans la tête depuis un petit moment. En fait, la petite histoire, c'est que quand on a commencé à faire des dates avec Ours Tombo, que ça commençait à prendre, on avait pas mal de gens qui nous disaient « Ah ouais, c'est vraiment bien ce que vous faites, c'est original, vous chantez en français. » Et en fait, nous, on voulait se confronter un peu à un public anglophone aussi. On voulait savoir, en fait, si notre musique allait être aussi originale en anglais qu'en français, en fait. D'accord. L'idée vient de là, et du coup, ça fait quelques années que ça nous trottait dans la tête. On avait essayé de le faire, Paul, qui est notre rappeur, et en fait, on lui a dit, bah, tiens, essaye de faire une chanson en anglais. Il a essayé, et puis on s'est rendu compte que ça marchait pas trop, parce que, en fait, pour être crédible et faire les choses bien pour notre public, il fallait qu'on ait quelqu'un qui ait des codes, qui ait un vocabulaire, qui a des expressions, un accent anglo-saxon. On pouvait pas faire ça nous-mêmes, on n'est pas assez fort pour faire ça. Et du coup, on a collaboré avec Unlike Joshua, qui avait fait un featuring avec nous sur l'album Playmore, sur la chanson qui s'appelle 48 heures. Et on a découvert ce gars sur YouTube qui reprenait des chansons métal en rap. Et on a trouvé ça excellent, et aussi c'est un geek à son maximum. Et on s'est dit que ça correspondrait complètement à Perfect Story, donc on l'a pris pour suite, et on a vraiment apprécié l'expérience, notamment humainement que musicale. C'est un mec en or, et qui nous a apporté des idées, c'est comme un nouvel outil, en fait. Et on s'est dit, écoute, là c'est le moment peut-être de faire un album ensemble. Et tout le monde avait vraiment envie de faire cette démarche-là, et on s'est dit, écoute, là c'est le moment ou jamais. Ça va être beaucoup de travail, mais on a vraiment envie que ça se passe, et si ça doit le faire, ça doit être maintenant. Donc on l'a fait, et puis il était super content de collaborer avec nous, c'est une deuxième fois. Là, j'ai l'artwork sous les yeux, hein, il est vraiment très très futuriste, cet artwork. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous parler de qui l'a réalisé, cette... Bah, en fait, on travaille depuis Reset, notre album Reset, avec Alexandre Masson, qui est un de nos amis qui habite sur Nancy. Et donc c'est lui qui a créé toutes les pochettes, et quand je l'ai contacté pour faire cette pochette, je lui ai parlé qu'on aurait aimé quelque chose d'assez futuriste, quelque chose comme un robot, un Gundam, un Transformer. On voulait partir un peu dans cette optique, quelque chose de la technologie, avec des couleurs assez froides, ce genre de choses. Et on a commencé à faire plusieurs études ensemble et tout, et à un moment il me dit, j'ai demandé à mes collègues, alors je me demande, mais pourquoi tes collègues? Et en fait, Alex, maintenant, travaille pour un éditeur de jeux vidéo français. En fait, c'est le Redlock Studio, et ils sont en train de sortir leur premier jeu indépendant. Et donc, il a demandé à un de ses collègues s'il n'aurait pas une espèce de robot d'exosquelette dans son bestiaire, en fait, de ses personnages. Et il nous a proposé ça, et on a directement accroché sur ce robot, si je peux dire. On ne sait pas vraiment si c'est un robot, si c'est une créature, un exosquelette, une armure, on ne sait pas trop. Et on trouvait ça vraiment très intéressant. Et donc, on a dit, allez, c'est parti, on part là-dessus. Et Alex s'est occupé du reste du design de l'album et a rajouté un peu ses touches, ses couleurs qu'on voulait justement. On voulait que ce côté, côté de l'artwork, visuellement, ça fasse penser un peu à notre son, en fait, à la production de notre son, quelque chose de, comme tu as dit, de futuriste, de technologique, de précis, de pointu, d'un peu agressif, tout en gardant un sentiment de confiance et c'est vraiment ça qu'on voulait pour ce truc et c'est grâce à Alex et au studio Redlock qu'on a pu avoir ça. Et pour nous, en tant que geek, bosser avec un éditeur de jeux vidéo, on peut pas faire mieux, je crois. Et les futurs de Smash pour le moment, c'est beaucoup de tournées, de la promo, je suppose. C'est beaucoup de choses comme ça, ouais. Là, on a une tournée québécoise qui s'est organisée donc du 25 août au 3 ou 4 septembre, je ne sais plus trop. On a fait encore quelques dates pour la tournée d'adieu de Zia. Donc, on est très fiers qu'ils aient pensé à nous pour faire ces derniers concerts. On avait déjà fait quelques-uns avec eux avant. Et là, du coup, repartir avec des copains sur la route, c'est génial. Une tournée aussi normalement russe qui se prépare, une tournée japonaise aussi qui se prépare. Et 2018, on va faire les grands festivals en Europe. Est-ce que vous allez venir nous faire un petit coucou dans le Nord? Avec plaisir, mais oui. Il n'y a pas des dates pour le moment. Exactement les dates qui sont prévues pour le moment, mais on a joué à. Alors attends, je ne dis pas de bêtises, au Bécu Fest, si je ne me trompe pas. Oui. Et on a vraiment. Enfin, on adore le public du Nord, des gens merveilleux et très très gentils, très accueillants. Et c'est avec grand plaisir qu'on viendra vous présenter cet album chez vous à la maison. Voilà. Sur l'album version anglaise, quel est le titre pour toi que tu affectionnes le plus et pourquoi? Moi, j'aime beaucoup The Player. Je trouve que Max a réussi à créer une ligne de son clair qui amène beaucoup d'émotions, je trouve. J'aime énormément cette chanson. Ils ont vraiment super, super bien bossé. Soit autant fond, guitariste qui a produit l'album, autant Max, autant Jeff. Cette chanson, elle me fait un truc dans le ventre. Je ne pas t'expliquer ça, mais c'est vraiment ça que j'affectionne particulièrement dans cette vie. Des très belles mélodies au niveau du chant qui me font vraiment rêver. Quoi. Ok. Je vais te laisser le mot de la fin et nous on va s'écouter justement The Prayer de version anglaise de Smash Hit Combo. The Prayer, on peut dire que c'est inclassable aussi peut-être. ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Voilà, je vais te laisser le mot de la fin et je te remercie beaucoup de nous avoir appelé. Merci à vous, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, et je ne sais pas, je voulais te poser la question. Est-ce qu'éventuellement, ça vous dérangerait peut-être si on peut organiser peut-être un petit concours pour nos fans et voir avec vous si vous pouvez peut-être nous envoyer 2-3 galettes signées comme tu es en promo pour le moment et qu'on pourrait faire. Ce sera avec un grand plaisir. Ouais. Je vois ça avec Roger alors. Bien sûr, mais oui. Ok. Tout à fait. Et vous, je peux en faire gagner combien? Écoute, tu peux en faire gagner 5 si tu veux. Ok, on va lancer le coup, comme ça, si tu peux les faire dédicacer, Roger me les envoie directement alors. Écoute, avec plaisir. Merci encore à vous. Ok. Puis, je te laisse le mot de la fin pour nos auditeurs auditrices. Écoutez, je voudrais vous remercier à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui vont venir nous découvrir. On a une communauté. Fantastique avec Smash Combo, on a des fans en or et on aimerait vraiment remercier toutes ces personnes qui nous soutiennent depuis le début, ceux qui viennent à nos concerts nous découvrir, qui font cet effort et on est vraiment très fiers de vous présenter cet album et on espère que vous allez l'écouter. Voilà, je te remercie beaucoup, nous on va s'écouter le titre, hein, The Prayer. Ciao Baptiste, ciao, merci. Bye bye, bye. Salut. Oui. Couldn't recognize a monster, 'cause she grew up with one. Thinking every guy is her father with vile words shooting a gun. The love's supposed to hurt mentally, physically, what he wants. How the hell would she know better as a means to his fucking outcome? All she wanted was to make him happy, hoping an angel would form. And then maybe kindness kills the narcissistic demon throwing hurt in the floor. A afraid of failure, thinking no one is able to help her. But being alone is safer than anger, so when I find him, I'm making him pay for it all. Million times in a death note, kill him with knives, inflict the pain that throat his mind, make his face look like scribbly lines. She should have died like Kaneki, but I torture his body, no stopping. I don't give a fuck for hypocrisy, cause karma ain't doing the job for me. Sure, call me a white knight, you don't even fucking know what it's like. And if he died tonight, I'll be the first suspect in the lineup. With these rhymes right, I'll be Dexter. No evidence, make his neck hurt until he begged to quit. Cause when she was pregnant, he meant to hit. Yeah, that son of a bitch didn't give a shit. She prays, prays for his death, but no God will come save her. She waits, and waits for his death, so I answer the prayer. No God can hear her cries. No God can hear her. Lover, lost fuckboy, demanding a mother. He grew up spoiled, took advantage of others. I was boiling when he was handed custody of her daughter. Fuck is he teaching her? If he did it to mom, then it could be her turn. I won't wait for long, she don't need to learn that her father's wrong. Yeah, I'll beat him first. There's brakes on the highway in the rain at night. Maybe his grandma goes sideways, I'll scrape him right into the swamp where the gators can bite. Even no trace of life. Daughter, it was God's way of smothering a sociopath. I don't wanna thank you, be the lover or dad. I don't want her to pray like her mother had. Or else this song starts all over again. Over, over and over again. She prays, and prays for his death, but no God will come save her. She waits, and waits for his death, so I answer the prayer. Since God never gave any answers, am I God, a man who's got a plan to take justice on my own? Ben voilà, on peut remercier Baptiste, hein, quand même, il nous a appelé. Hein. Donc, pour donc des Smash Hit Pombo, pas Pombo, parce que bon, Pombo, c'est autre chose. Et voilà, donc nous, ben, on le remercie très fort. Et en plus de ça, on va mettre en place un concours, juste à l'instant là, pour faire gagner 5 albums donc des Smash Hit Combo. Deux questions, c'est ça, vous nous répondez soit en message privé ou alors sur la page Rive d'Enfer. Donc c'est riffdenfer.rqc@gmail.com, donc riffdenfer.rqc@gmail.com. Tout simplement, deux questions très simples. De quelle ville d'origine sont les Smash Hit Combo? Et aux deuxième question, combien d'albums ils ont déjà à leur effectif? Voilà, c'est facile, hein? Bah oui. Et ils vous enverront donc des albums, on vous enverra des albums dédicacés. Alors, Sylvane, on ne va pas passer la balade tout de suite parce qu'on avait promis une exclusivité. Oui, et une fameuse, là. Et une fameuse, non, c'est pas moi, vous ne me verrez pas en photo, non. Allez, vas-y, on t'écoute. Donc, bah moi, j'ai une grande nouvelle à annoncer. Non, je ne me marie pas. C'est con, on aurait pu aller manger et boire pour rien. Ah. Non, mais ça, c'est, donc, on le fait déjà. Ouais, j'ai une exclusivité à présenter. Donc, c'est un tout nouveau groupe. Donc, dans ce groupe, ben, il y a Ben, le guitariste de chez Ministry, donc Sin Kirin. Il y a le chanteur Johnny Ray, donc qui est ex-Psiesis. Et donc son nouveau groupe s'appelle Three-Headed Snake. Waouh! L'artwork, il est génial. Super belle pochette. On pourra le mettre sur la page Rive d'Enfer. Ça, je sais pas si on peut, si on a le droit de mettre oui, la oui, page. Oui, t'as tous les droits, là. Y a pas de souci. J'ai l'accord. Même partir en vacances avec eux. Merci, Chine. Ou tu me laisses pas le choix de le faire. Non, tu préfères y aller. Je préfère, moi. Je dis honnêtement, je suis désolé, pas tiré vers les mecs. Sniff. Donc. Et voilà. Donc, tu perturbes, là. Le groupe Three-Headed Snake. Avec le guitariste de Ministry, Sin Kirin, au chant Johnny Ray. Et le titre, j'ai choisi Wisdom Screams. Donc l'album, il sort fin 2017. Waouh, c'est une fameuse exclue. Ouais, hein. Là, on est en EP. Mmh. Et voilà quoi. Waouh, c'est on super. Attend ça avec impatience. Donc c'est pas du tout le même genre que Ministry, hein, pas du tout. C'est du old school. C'est du old school. Oui. Donc il faut pas du tout s'attendre à de l'indus. Pas quoi. Du tout de l'indus. Hein, mais alors pas du tout, vraiment pas. Et on tient encore un merci Chine. Bah. Eh oui. Ah, et surtout Sylvain qui a fait le qui merci a fait à du, vous deux. Voilà, qui a fait du travail en amont pour pouvoir avoir ce genre de perles. Oui, j'ai bien travaillé là. Et y a que sur RQC et sur Rive d'Enfer qu'on a l'occasion d'avoir ce genre de choses en tout cas. Tu as un bon point Valérie. Voilà, merci. Voilà. Allez, je te laisse annoncer le titre. Alors c'est Three-Headed Snake avec le titre Wisdom Screams. Yeah. Ah oui, en plus c'est un Sylval Song en plus. Tout à fait. Ah bah donc on va le mettre au jingle, excuse-moi, j'allais la passer le jingle Sylval Song. Allez là là là. Allez bon. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. We'll be right back. Eh bien, c'est pas mal du tout. Hein. Oui, attends, je suis emmêlée avec... avec le slasher. Voilà, voilà, voilà. Emmêlée par les filles, là, je précise. Ouais, voilà, ouais, trop, trop, il est trop jeune. Ça va être, mais non, mais il est trop jeune. Ouais. Non, c'est pas mal du tout. Ouais, donc, oui. C'était le nouveau groupe de Sin Kirin et Johnny Ray. Donc, Three-Headed Snake. Mm-hmm. Le titre Wisdom Screams, donc l'album qui sort fin 2017. Voilà, donc on n'a plus que quelques mois à attendre, hein. Nous sommes le 7e mois, donc encore 5 mois quoi. Oui, voilà. 5 mois, on va dire peut-être 6 mois, parce que des fois il y a un peu de retard. Hein. Ouais. Voilà, c'est très bien. Moi j'aime bien, parce que c'est pas mal. Hein. Ça me fait penser à des vieux riffs, tu vois, ouais, des vieux riffs, et j'aime vraiment, vraiment bien. Quoi. Franchement. Ouais, ouais. Ouais, moi j'aime bien aussi. Si l'album est dans le même acabit. Super bonne voix, tout. Si l'album est dans le même acabit, ça va nous faire plaisir. En plus, on a eu vous avez eu vraiment la primeur. Hein. Vous avez J'ai l'exclusivité totale. Là. Mais les auditeurs, ils ont eu la chance d'avoir ça. Hein, parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'auront, cette chance-là. Oui. Non. Là, j'ai eu un coup de chance phénoménal, encore une fois, sur ce coup-là. Voilà. Eh ben, c'est bien. Si on a une fois tous les deux mois un petit coup comme ça, c'est pas mal. Quoi. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Voilà. On aura peut-être un peu plus par la suite. Voilà, peut-être qu'on recevra un deuxième titre, on va dire septembre, hein, voilà, pourquoi pas. Mais on va pas trop leur casser les pieds, voilà. Mais c'est super gentil de leur part, et c'est super gentil de te faire confiance et de nous faire confiance. Tout à fait. Voilà. Et en plus, ça a sûrement fait plaisir aussi à Rico, qui est un fan de Ministry, donc fan aussi un petit peu du groupe aussi. Hein. Ouais. Voilà, donc là, il s'est dit, soit chouette, super, une exclue dans RQC. Dans Rive d'Enfer. Dans Rive d'Enfer, voilà. C'est vraiment chouette. Alors, pour le concours, c'est bien. Il y a déjà une personne qui a remporté, hein. Une fidèle auditrice. Hein. Félicitations à toi, Agnès. Ah oui, félicitations. Voilà. Et un petit coucou à la Chantilienne, c'est ça ou... Cantilienne, pardon. I'm sorry, so sorry. Il est l'heure de passer à la balade crapuleuse aux alentours de 21h14 aujourd'hui. Et là, j'ai choisi un vieux groupe aussi que j'aimerais bien de revoir sur scène, Slaughter. Et là, on va s'écouter Fly to the Angel et on se retrouve tout de suite après, encore une fois avec une grosse exclusivité. Enfin, qu'on a déjà joué une fois, mais on la rejoue car l'album sort au mois d'août. Pictures of you, all the still on my mind. Have the smile, the could light up the world. Seems the sun never shines, and I try. Heaven awaits you. Et ben voilà, ça fait du bien quand même, hein, cette petite balade. C'était les Slaughters avec Fly to the Angel. Mmh. Voilà, ça repose un petit peu les oreilles. Voilà, ouais, donc, c'est calme. Donc, il reste déjà plus que 4 albums à faire gagner des Smash Hit Combo. Combo. Mmh. Donc, félicitations à Agnès. Donc, la question est très simple, il y en a deux. Combien d'albums ils sont déjà à leur effectif? Donc voilà, on l'a dit dans l'interview. Et de quelle ville d'origine ils sont? Il suffit de nous répondre soit en message privé, comme Agnès l'a fait, ou tout simplement par mail. Donc c'est riffdenfer.rqc@gmail.com. Voilà, riff avec deux F, voilà. Et enfer, comment en faire? Alors, exclusivité aussi, ben, on a déjà joué une fois un titre, on ne peut jouer que ce titre-là. On a 12, on a les 10, les 10 chansons, c'est le nouveau Dagoba. Ah oui. L'album sort le 25 du 8, donc au mois d'août. On aura le 21, on aura Werther en interview ici en Fauneur. Et donc on pourra le saucissonner sur le nouvel album qui s'appelle Black Nova. En attendant, on va s'écouter Inner Sun donc de Dagoba. Et on se retrouve tout de suite après, les amis. Voilà, c'était le nouveau Dagoba, hein, Inner Sun. L'album s'appelle Black Nova et ça sort le 25 du 8 dans les bonnes boucheries. Voilà. Avant le 21, lundi, juste le lundi, donc l'album sort le vendredi. Le lundi, on aura Werther pour nous parler un petit peu de cet album. Oui. Where the Sun, c'est maintenant avec le titre Alive. C'est encore une fois un single. L'album n'est pas arrivé. On l'attend incessamment sous peu. On te retrouvera avec un de tes titres, Sylval. Et oui, une nouveauté aussi. Enfin, une nouveauté. Oui, quand même. Hein. Oui, quand même. On va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Avec un bon groupe, en tout cas. Ah oui. Wayward Sun avec Alive, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et on retrouve tout de suite après Sylval. Eh ben, j'ai y passé, moi. Wayward Sun avec Alive, c'est pas mal du tout. Alors, on se retrouve avec un de tes choix, et c'est quoi ? Donc, c'est un groupe australien. Donc, c'est les Sisters Doll, avec le titre Johnny. Ah, Sisters Dolls. Mmh. Ouais. Eh oui, des kangourous. Ah, c'est génial, ça. Puis, ils sont super sympas. Oui, on a d'ailleurs... eu l'album. Bah, c'est toi qui les as décotés. Hein. Oui. Félicitations. C'est bien, tout le monde qui se lance des fleurs, moi pas. Moi j'ai dégoté le joueur d'harmonica. Vous vous souvenez ou quoi de la rue là ? Non, mais ça va, j'arrête. Non, j'arrête, je sors. Oui, bon, voilà mon titre. Ouais. Donc c'est Sisters Doll avec le titre Johnny. Encore une fois, ce qui est un peu dommage, c'est comme tu disais, ils ont fait les premières parties de Kiss. Kiss. Mais pas par ici. Mais ouais, mais... Donc ils ont été, bien sûr, Australie et Amérique latine et Amérique tout court. Ils sont peut-être pas encore assez connus, peut-être, je sais pas. Ben, je comprends pas comment ça se fait que c'est pas les mêmes premières parties en Europe. Tout dépend de leur... C'est comme avec Sabaton, aux États-Unis c'était Alison Way. Ouais. Et en Europe, bah, c'était pas. Je tout sais dépend plus de leur... ce que c'était, mais bon. À mon avis, c'est tout dépend de leur disponibilité, parce qu'il faut savoir que maintenant, c'est pas comme il y a 30 ans où les groupes, ils en vivaient de la musique. Maintenant, ils sont obligés de d'aller. Ils suivent, je pense. Mais pas ce qu'on a compris. Ah oui, mais peut-être que après, ils peuvent peut-être prendre 2 mois de congé sur leur année de travail. Mais je pense que la première partie, elle suit, mais peut-être, elle suit pas toujours financièrement, parce c'est qu'on a pu. Constaté avec GarageD, quoi. Et bien d'autres. Ouais. C'est malheureux. Bah oui, parce qu'ils sont pas trop financés pour poursuivre. Hein. Enfin, je sais pas si c'est partout pareil, j'en sais rien. Mais maintenant, à mon avis, ils doivent consacrer un petit peu. C'est un peu ce qu'on parlait aussi avec en interview quand on a eu les Nantais de Ultra Vomit, ouais. Ils ont dû arrêter leur intermittent du spectacle pour pouvoir recommencer à bosser, pour pouvoir gagner de la thune, pour pouvoir vivre. Bah bien sûr, hein, voilà, c'est pas évident. C'est fini de gagner des mille et des cent. Donc peut-être qu'ils ont peut-être pu prendre 2-3 mois de sabbatique pour faire la tournée avec Kiss, comme tu dis, Amérique latine, Amérique... Amérique et... Ouais, bah c'est moins loin, hein. Australie, ouais. États-Unis, ils ont moins loin, pardon, ouais. Thrasher. Maintenant, je lui fais du pied. Voilà. Donc, c'est un peu malheureux, mais peut-être que c'est comme ça maintenant. C'est... On verra quand on fera notre trio. Ouais. Voilà. Allez, je te laisse annoncer. Je te laisse annoncer. Donc, Sisters Doll, avec le titre Johnny. C'est parti. Johnny's got a lover, I'm gonna steal her from ya. She's never gonna be the same. Look out. Life's a little complicated, they say. Alors, le groupe Sisters Doll avec le titre Johnny, groupe australien. Voilà, c'est du très bon. Hein, ah, c'est super, c'est... ça, c'est du bon heavy metal. Heavy metal, glam, même, ouais, parce que leur tenue, c'est un peu glam. Ça, c'est fort glam, hein. Ouais. Il y en a un, les cheveux vraiment frisés. Ouais. Hein. Et bon, on ne sait, sait pas s'il crie encore, ici, il crie « Montrez les nichons ». On sait pas. Je sais pas, je demanderai à l'occasion. On ne sait pas, mais on essaiera de le faire en jingle. Mais ils sont gentils. Ouais. Ah, tu parles aussi avec eux? Aussi, voilà. Ils sont super sympas. Voilà, voilà. Ah bah eux aussi, ils aimeraient bien venir en France. Ben oui, mais ça, malheureusement, nous n'avons, nous, pas les moyens, mais si des tourneurs nous écoutent, ben pensez qu'il y a des fois des bons petits groupes qui ne demandent qu'une chose, ça tourner, quoi. Voilà. Ben ouais. Mm-hmm. Le prochain, ben, c'est un gros, gros groupe. Hein. Ils nous reviennent avec un nouvel album. L'album s'appelle tout simplement... Feed the Machine, c'est les Nickelback. Franchement, l'album, il se laisse déguster, sincèrement. Il est très bien. On va s'écouter le titre éponyme de l'album, Feed the Machine. Moi, j'aime vraiment bien ce qu'ils foutent. Voilà, c'est parti. Get back in line. Voilà, ben franchement, qu'est-ce que vous en pensez un peu du nouveau Nickelback? J'ai adoré. Ouais, c'est bien. De Machine, c'est bien. Hein. Ça bouge bien, ça. Hein. Ça bouge bien, et en plus, franchement, l'album, il est nickel chrome. Juste avant de retrouver encore un de tes titres, on va s'écouter Ten. L'album s'appelle Gothica. La pochette, j'adore l'artwork, elle est sur la page Rive d'Enfer. Mm-hmm. Et on va s'écouter Jekyll and Hyde. Voilà, Lou, c'est Ten avec oui. Lionheart, Voilà. Et voilà, on a encore eu un gagnant, c'est JP Evolution 0. Donc bravo à toi. Voilà, bravo. Donc il en reste 3. Hein. Tu répètes les questions là, Slasher ? Donc, de quelle origine est le groupe et combien d'albums ont-ils à leur actif ? Voilà, donc il suffit de répondre. Et ne faites pas comme il y en a qui l'a fait, répondre sur la page. La parce page. Que tout le monde veut la réponse. Voilà, envoyez un message privé. Alors, on t'écoute, Sylvain. Donc c'est à moi, hein, parce que j'ai perdu le fil et mon aiguille. Le fil d'Ariane. N'est-ce pas Oui, monsieur Slasher. Oui, c'est bien moi. Alors, le groupe, c'est Lionheart, oui. Avec le titre Give Me The Light. Give Me The Night. Non, ça, c'est un disco, ça. Ah, mais en fait, c'était Give Me The Night, mais c'est, on peut dire ça. Non, mais c'est pas la version disco, là, qu'on va s'écouter. Ouais. Et c'est pas mal aussi, ça. Ah ouais, c'était pas mal, hein, ça. Non, mais là, on est parti dans le disco. Pourquoi pas une fois faire un hard disco? Non, mais allez. Et c'est un groupe de quelle origine? Tu le fais exprès, là. C'est Californie. Ah, la Californie. Quoique, ils sont pour le moment ils sont dans les flammes. La Californie, ça brûle encore beaucoup. Bah, ouais, comme chaque été. Tous les étés, malheureusement, ouais. Ça crame. Ça crame, voilà. Alors, on va s'écouter ton titre. Hein. Je te laisse annoncer. Alors, Lionheart, Give Me The Light. Give Me The Light. C'est parti. Darkness creeping. Voilà. Alors c'était Lionheart avec Give Me The Light. Et j'aime bien l'artwork aussi, c'est un lion. Voilà, c'est pas mal du tout. Ben, le prochain qu'on va s'écouter, c'est enregistré au Wacken. C'est Hansen, qui est Hansen. Avec Born Free. Donc, qui est Hansen, qui est un ancien membre de Halloween, oui. Gamma Ray, hein, aussi. Et on va s'écouter donc un bon petit Born Free. Donc, de qui Hansen. Born to be alive. Moi aussi, tu vois, je te pourris tes titres. Voilà, je m'y suis mis aussi. Voilà. Allez, on va Born to Free alive alors. We'll be right back. Voilà, voilà, Valou, c'était Hansen avec One Free, Born Free. Voilà, ben, il est bientôt l'heure de se quitter, les amis. Hein. Et oui, voilà. Donc toi, Sylvain, on te retrouve dans 15 jours ou dans 3 semaines? Oui, là, je vais à Los Angeles. À Los Angeles, Barredoun. Oui. Voilà, à Los Angeles. Bien. Tu vas aller voir Kirin. J'ai rendez-vous. T'as rendez-vous et tu vas aller voir aussi Satchel qui va crier ouais. Vive les Nichon. Montrez vos Nichon. Montrez vos Nichon. Voilà, donc on te souhaite de bonnes vacances. Hein. Et oui, je te raconterai à mon retour. Voilà. Et oui, oui. Slasher, nous, on te retrouve normalement la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ça. Restez bien branchés sur RQC 95 FM. Oui, donc on sera toujours avec Glou, parce que avec Glou. On se retrouve la semaine prochaine encore avec des nouveautés. Hein, et nous, on se quitte avec Eden Bridge, avec The Visitor. L'album s'appelle The Great Monumentum. Ciao, passez de bonnes vacances les amis et restez bien branchés sur RQC 95 FM. 95 FM.